Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, les délires de Laurent Baffy. Laurent Baffy innove avec le premier one-man show interactif. Il met sa vie en scène entre cynisme, humour vachard et second degré et interpelle les spectateurs enchaînant réparties cinglantes et canulars. Et tout commence dans la salle. Tu la lâches, oui ou merde ? Mais c'est dingue de la tenir. On le retenait, il va se jeter. Bonsoir. Vous n'êtes pas trop jeune pour venir me voir ? T'as quel âge ? 15 ans. Ça va, t'as déjà entendu des horreurs. Allez. Le seul, je vais vous expliquer, ça va être très clair. Le seul avantage d'être pauvre, concrètement, c'est qu'on peut cracher sur les riches. Chacun prend le sien, on y va. Personne vous a prévenu en bas que tout le spectacle se passerait là-haut ? C'est un petit peu con d'avoir payé 3 fois le prix pour finir avec un torticolis. Laurent Baffy est un sale gosse. Le DVD du spectacle, signé M6 Vidéo.